Bienvenue à Méloman, l'émission pour vous, les fous de la musique, sur les ondes du 99.1 et 88.9 CFNJ ou en direct sur le CFNJ.net. Mathieu Lajoie au micro en cette édition du 16 mars 2016. On s'en va du bon bord, comme dirait l'autre. Un autre spécial la semaine passée, celui de la journée de la femme qui suivait respectivement les spéciaux 80 du mois de l'histoire des Noirs, Saint-Valentin, blues, jazz juste avant. Et comme toujours, merci d'avoir été si nombreux à suivre dans autant d'avenues différentes, des vrais mélomanes. Mais bref, les mois de février et début mars ont été chargés de spéciaux et c'est pourquoi ce soir, on s'enligne sur ce qu'on pourrait appeler un mélomane format classique, varié à souhait, avec un léger penchant pour les francos plus obscurs un peu et le kitsch de temps en temps. On va peut-être faire quelques découvertes ensemble ou on va redécouvrir des trucs dans la joie et l'allégresse. Et d'ailleurs, mon subconscient doit se languir du printemps qu'on espère tous et toutes parce que le premier bloc en particulier est fait pour nous accrocher un sourire dans le visage, qu'on le veuille ou non. Que voulez-vous? Demandez-moi pour pourquoi. C'est le mystère mélomane. C'est comme ça que c'est sorti. On passe ça tout de suite avec une overdose de joie, le tout chanté par un petit oiseau grec. Une belle madame avec des lunettes de qui on oublie souvent qu'elle est d'une justesse infinie. Et oui, je vous dis, on est ailleurs cette semaine. Nana Mouskouri, 99.1 CFNJ. Quand tu chantes, tu ne sais pas pourquoi. Quand tu chantes, ça va. Quand tu chantes, ça va. Quand tu chantes, ça va. Quand tu chantes, ça va. Quand tu chantes, ça va. À l'instant du réveil, pour des joies futiles, Pour la pluie, le soleil, et pour l'impossible, Il y a des matins plus mélancoliques, T'en fais pas trop pour la République, il faut laisser passer la musique. Quand tu chantes, même si ça ne va pas. Quand tu chantes, ça va. Quand tu chantes, tu ne sais pas pourquoi. Quand tu chantes, un jour pour le temps qui passe, pour un jour de fête, pour chanter ce qu'on a dans la tête, on n'a pas besoin d'être un vrai poète. Chante ça. in the night. In the midst of a memory. FNJ. Qui c'est qui est très gentil? Très gentil. Qui c'est qui est très méchant? Très méchant. Qui a tous les premiers prix? Très gentil. Qui roupille au dernier rang? Très méchant. Qui fait des économies? Très gentil. Et qui gaspille son argent? C'est comme un guignol spectacle permanent. Et vive l'école et vive le régiment. Tout le monde en rigole et tout le monde y croit. Mais pourtant, pour qui t'as de l'antipathie? Les gentils. Pour qui t'as un gros penchant? Les méchants. C'est travail, famille, patrie, les gentils. C'est la retraite à 20 ans, les méchants. l'amour le samedi. Déjanté. Ils font ça n'importe quand, les méchants. Ils craindront le cupé ni les gentils. Ils craindront le cœur content, les méchants. À Méloman au 99.1 et 88.9 CFNJ et ce partout dans la Nodière. Nino Ferrer avec les Cornichons qu'on vient d'entendre, succès de 1966, que vous deviez connaître pour plusieurs d'entre vous. Mais c'est pas une chanson qui a fait le bonheur de M. Ferrer en personne, qui lui était un fan de jazz. Il avait le goût de faire du jazz, il avait peur de ne pas se faire prendre au sérieux avec des titres comme ça, mais ça a quand même fait des bonnes chansons qui ont resté. Et c'était précédé de Michel Fugain et son Big Bazar avec Les Gentils, les Méchants de 73, une chanson qui a été entre autres le thème du film Je sais rien, mais je dirai tout de Pierre Richard la même année. Excellent film à sketch. On a aussi creusé un peu du côté québécois pour se retrouver en 72 avec Liette et François, un duo formé de François Bégin, le frère de France Castel, et ancien membre des Mercies, un groupe du temps au Québec des années 60, et de Liette Lomaise qui va ensuite faire partie du groupe Toulouse avec Judy Richards, entre autres. Liette Lomaise qui avait aussi eu un duo avec sa sœur, la belle Céline, qui, elle, va faire partie de la distribution de films québécois coquins comme Après-ski et L'Initiation. Et un peu dans le même genre, mais en anglais, une chanson du nom de Deep Purple est pas mal avant le groupe du même nom, à part de ça, en 63. En fait, c'est une chanson qui date de 1933, mais on a entendu la version d'un autre Nino, en fait, soit Nino Tempo, et April Stevens. Et effectivement, c'est cette chanson qui a donné le nom au groupe Deep Purple. C'était la chanson préférée de Ritchie Blackmore, guitariste du groupe, que sa grand-mère lui joue au piano. Et bien sûr, le tout amorcé par Nana Mouskouri en 76 avec « Quand tu chantes », une chanson qui nous vient originalement du Brésil et qui nous prépare tranquillement un beau spécial Brésil auquel on va avoir droit la semaine prochaine. Je vous l'annonce en primeur. Et oui, je vous l'avais dit que ça serait encore une fois très différent ce soir. D'ailleurs, on reste pas mal dans la bonne humeur dans le prochain bloc. En fait, pas au niveau des paroles, mais au niveau de la musique aussi, avec entre autres Simon & Garfunkel, 99.1 CFNJ. Got me wanting you. into something. Oh. We only dance for a minute or two, but then she stuck close to me the whole night through. Oh. Can I be the one in love? She's everything I've been dreaming of. She's everything I've been dreaming of. I walked her home and she held my hand. I knew it couldn't be just the one night stand. So I asked to see her next week and she told me I could. I asked to see her and she told me I could. Something tells me I'm into something good. Something tells me I'm into something. Something tells me I'm into something. Ah. Thank you. baby wore, and what's more is true. Yes, it is. Scarlet were the clothes she wore. Everybody knows, I'm sure. I would remember all the things we planned. Understand, it's true. Yes, it is, it's true. Yes, it is. I could be happy with you by my side if I could forget her. But it's my pride. Yes, it is. Yes, it is. Oh, yes, it is. Yeah. Please don't wear red tonight. This is what I said. Yes, it is, it's true. Yes, it is. I could be happy with you by my side if I could forget her. But it's my pride. Yes, it is. Yes, it is. Oh, yes, it is. Yeah. Please don't worry. Make me blue, in spite of you, it's true. Yes, it is, it's true. Yes, it is, it's true. Au 99.1 et 88.9 CFNJ, c'est Mélomanes avec Mathieu Lajoie. Et les Beatles qu'on vient d'entendre avec une chanson un peu moins connue quand même de 1965, composition de John Lennon, Yes It Is, face B du 45 tours de Ticket to Ride. Une espèce de réplique de Lennon là, au Yesterday de McCartney. On a aussi entendu le grand guitariste Chet Atkins, un des premiers Guitar Hero, il ne faut pas l'oublier, avec sa version de Begin de Bigwin en 1960. Une vieille pièce qui datait déjà de 1938 à ce moment-là, composée par le grand Cole Porter et popularisée originalement par la légende de la clarinette Artie Shaw. Et c'était précédé de la magnifique Never My Love en 67 par The Association, très bon groupe de la scène californienne qui donnait dans les arrangements qui flirtent avec le baroque pop dont on avait déjà parlé et qui sont pas sans faire penser aux arrangements sophistiqués là, de Burt Bacharach, à qui on va sûrement rendre hommage prochainement à l'émission. Et sinon, on était les deux pieds collés dans le bubblegum, le pop gum balloon léger qui fait toujours du bien entendre. On a écouté ensemble les Britanniques de Herman Zermitz avec I'm Into Something Good de 1964, une chanson écrite par l'équipe hyper prolifique de compositeurs qui étaient Jerry Goffin et Carole King, deux autres à qui on va probablement rendre hommage prochainement. Vous allez voir qu'on en connaît pas mal de leur composition, un peu à l'instar de Burt Bacharach et Hal David, justement, un style qu'on appelait le Brill Building Pop. Mais ça, je m'arrête là-dessus, on en reparlera à ce moment-là. Et toujours dans la gomme balloon bazooka à Saint-Saëns, les Archies, et oui, inspiré de la fameuse BD de cabinet avec Sugar Sugar en 69, précédé de Cecilia par Simon & Garfunkel, sur leur dernier excellent album de 1970, Bridge Over Troubled Water. Et nous, on continue direction 1979 avec le thème de la croisière s'amuse. Rien de trop beau pour la classe ouvrière. Jack Jones au 99.1 CFNJ. Exciting and new, come aboard. gets back to you. An open smile on a friendly shore. Gilbert Valois. Qui du rivage? René Marois. En Saint-Martin, Marcel Quentin, Colette Martin, Alfred Angel, Jacqueline Lalande, Alexis Roux, Joseph CFNJ 99.1 et 88.9, avec vous partout dans la Naudière. We'll be right back.

On entend toujours les 3-4 mêmes de Pag, et pourtant, c'est pas la diversité qui manque dans sa discographie, comme en témoigne la pièce qu'on a entendue et qui était précédée, comme on avait dit, du thème de Love Boat ou La croisière s'amuse, si vous préférez, un thème de Jack Jones de 1979. Et on poursuit, on en a beaucoup à vous faire jouer ce soir, un tout petit détour vers les années 80, mais rien à voir avec notre spécial 80 d'il y a deux semaines. On écoute un succès d'Irene Cara au 99.1 CFNG, en fait, juste après la météo. Météo. Pour les prochaines heures de la pluie, va débuter risque de pluie verglaçante sur le secteur nord avec un minimum de 0. Jeudi nuageux, le matin suivi de quelques averses, maximum de 8 et alternance de soleil et de nuages pour vendredi, maximum 0. Quant à nos secteurs du nord, Saint-Michel-des-Saints et les environs, ça devient nuageux suivi d'averses de pluie et de neige pour les prochaines heures. Risque de pluie verglaçante, un minimum de 0. Bruine se changeant quelques averses de pluie en mi-journée pour jeudi, risque de bruine verglaçante tôt le matin, maximum de 4. Et ensoleillé pour vendredi, maximum de moins 3. CFNJ road from Vegas to nowhere. Someplace better than where you've been. A coffee machine that needs some fixing. In a little cafe just around the bend. A change is coming, coming closer, sweet release. I am calling you. I know you hear me. said, I can't put it off. Just gotta tell her anyway. Partout dans la Naudière. 99.1 et 88.9 CFMJ. c'est si bon. Oh, c'est si bon. De partir n'importe où. Oh, c'est si bon. Bras dessus, bras dessous. Oh, c'est si bon. En chantant des chansons. Si bon, si bon. C'est bon. Oh, c'est si bon. De se dire des mots doux. Oh, c'est si bon. Des petits rien du tout. Mmh, c'est si bon. Mais qui en disent long. Si bon, si bon. En voyant notre mine ravie. Les passants dans la rue nous envie. C'est si bon. Oh, c'est si bon. De guetter dans ses yeux. C'est si bon. Un espoir merveilleux. Ah, c'est si bon. Qui me donne le frisson. Petite sensation. Et si nous nous aimons, c'est parce que c'est si bon. Si bon, si bon. Qu'elle a pour séduire, sans parler de ce que je ne peux pas dire. C'est si bon. Oh, c'est si bon. Quand je la tiens dans mes bras, c'est si bon. De me dire que tout ça, c'est à moi pour de bon. Et si nous nous aimons, cherchez pas la raison, c'est parce que c'est si bon. Si bon, si bon. C'est parce que c'est si bon. Si bon, si bon. Si bon. Oh, c'est bon. Si bon. C'est si bon. Au 99.1 et 88.9 CFNJ, c'est Mélomane avec Mathieu Lajoie. CFNJ 99.1. Donc, on se promène encore pas mal ce soir, cher public de Mélomane. Un gros classique qu'on vient d'entendre, C'est si bon, version Yves Montand, chanteur et acteur en 1964. Excellent. Et c'était précédé d'un tout aussi grand classique de la musique instrumentale, du moins majoritairement. Il existe des versions chantées, mais c'est plus rare. Il s'agissait du célèbre T42, ici dans une version de Xavier Cugat et son orchestre en 1961. Xavier Cugat, qui est un des ambassadeurs les plus importants de la musique latine de par le monde et de qui on avait parlé brièvement l'autre jour après avoir écouté Joe le Taxi de Vanessa Paradis, une chanson qui parle justement de Xavier Cugat qui joue dans le taxi en question. Et sinon, 1975 de Bay City Rollers avec la reprise de Bye Bye Baby Goodbye, une chanson originalement popularisée par les Four Seasons 10 ans plus tôt. Et un auditeur qui me demande dans quel film ça jouait ça. Moi, je sais que Love Actually dernièrement, mais il me dit plus vieux que ça. Je pourrais pas dire. Il faudrait fouiller un peu sur le net, mais oui, ça l'a joué dans plusieurs films. Et notre petite incursion années 80 qui était constituée de deux classiques très différents, mais qui viennent tous deux de comédies musicales, si on peut dire. On a entendu Javet Steel avec Calling You, un air très spécial que vous connaissiez sûrement et qui était tiré originalement du film allemand Bagdad Café de 1987, duquel on a fait une série télévisée par la suite. Et on a aussi entendu Fame, tiré du film du même nom de 1980 pile, qui lui aussi a engendré une série et s'est interprété par Irene Cara, celle qui nous a aussi donné plus tard What a Feeling de Flashdance. Donc, c'était des très bonnes années pour Madame Cara. Et nous, on continue notre voyage. Hétéroclite, 1977, El Coco, au 99.1 CFNJ. Thank you. magic dragon lived by the sea and frolicked in the autumn mist in a land called Hanalei. Little Jackie Paper loved that rascal Puff and brought him strings and sealing wax and other fancy stuff. Oh, Puff the magic dragon lived by the sea and frolicked in the autumn mist in a land called Hanalei. Puff the magic dragon lived by the sea and frolicked in the autumn mist in a land called Hanalei. Together they would travel on a boat with billowed sail. Jackie kept a lookout perched on Puff's gigantic tail. Noble kings and princes would bow whene'er they came. Pirate ships would lower their flags when Puff roared out his name. Oh, Puff the magic dragon lived by the sea and frolicked in the autumn mist in a land called Hanalei. Puff the magic dragon lived by the sea and frolicked in the autumn mist in a land called Hanalei. A dragon lives forever, but not so little boys. Painted wings and giant's rings make way for other toys. One gray night it happened, Jackie Paper came no more. And Puff that mighty dragon, he ceased his fearless roar. His head was bent in sorrow, green scales fell like rain. Puff no longer went to play along the cherry lane. Without his lifelong friend, Puff could not be brave. So Puff, that mighty dragon, sadly slipped into his cave. Oh, Puff, the magic dragon, lived by the sea and frolicked in the autumn mist in a land called Hanalei. Puff the magic dragon lived by the sea and frolicked in the autumn mist in a land called Hanalei. Le froid nous pince, on se promène dans la belle province, dans Skidou. Avant de partir, on prend un petit verre, faut surtout pas virer à l'envers, dans Skidou. C'est comme du slalom, on glisse à travers les bouleaux blancs et les sapins verts, dans Skidou. Pour moi, c'est Noël, n'importe quel jour du moment que je peux faire un tour. En skidou, quand je pars en skidou, avec ou sans toi, je suis heureux comme un fou. Mais viens, mon amour, puisque l'hiver est si court, il faut profiter de tous ces beaux jours. Quand je pars en skidou, au lieu de me faire toujours des gros yeux jaloux, mets donc ta capine et tes mitaines, mon amour. Et viens que je t'emmène faire un beau tour. Quand la neige est haute, on saute les clôtures, on fait ses pistes vers l'aventure en skidou. J'ai pas froid aux yeux dans la poudrerie, le vent se tasse quand je me charrie en skidou. Puisque mon pays pour moi c'est l'hiver, je deviens maître de l'univers en skidou. Pour moi c'est Noël, n'importe quel jour du moment que je peux faire un tour en skidou. Quand je pars en skidou, avec ou sans toi, je suis heureux comme un fou. Mais viens mon amour, puisque l'hiver est si court, il faut profiter de tous ces beaux jours. Quand je pars en skidou, au lieu de me faire toujours des gros yeux jaloux, mets dans ta cabine et t'imitaine mon amour. Et viens que je t'emmène faire un beau tour sur mon skidou. Avec ou sans toi, je suis heureux comme fou. Mais viens mon amour, puisque l'hiver est si court, il faut profiter de tous ces beaux jours. Au lieu de me faire toujours des gros yeux jaloux, mets dans ta cabine et t'imitaine mon amour. Et viens que je t'emmène faire un beau tour. Et 88.9 CFNJ. If never I met you, I never have seen you cry. If not for a first hello, we never have say goodbye. If never I held you, my feelings would never show. It's time I start walking, but there's so much you'll never know. I keep telling you, hard luck woman, you ain't a hard luck woman. A child of the water, too proud to be at queen. Red, I really love you, I can't forget about you. You'll be a hard love woman, baby, till you find your man. Before I go, let me kiss you and wipe the tears from your. I don't wanna hurt you, girl. You know I could never lie. I keep telling you, hard luck woman, you ain't a hard luck woman. You'll be a hard luck woman, baby, till you find your man. Red, the sailor's only daughter, a child of the water, too proud to be a queen. Rex, I really love you, I can't forget about you. You'll be a hard luck woman, baby, till you find your man. You'll be a hard luck woman, baby, till you find your man. some money, and it was a pretty penny. I took all of his money and I brought it home to Molly. She swore that she loved me, never would she leave me. For the devil take that woman, for you know she drank me easy. Ring, dumma do dumma da. Wait for my daddy, oh. Wait for my daddy, oh. There's whiskey in the jar, oh. Vous êtes toujours à Méloman au 99.1 et 88.9 CFNJ, où on vient tout juste d'entendre une musique nous provenant d'Irlande, Whiskey in the Jar, qui est en fait une chanson traditionnelle irlandaise interprétée ici dans une version plus rock par l'excellent groupe Thin Lizzy en 72, qui sont eux aussi de Dublin, donc ça reste dans la famille. Une pièce qui a été reprise par Metallica, qui l'a fait connaître à une toute autre génération. Donc, c'est parfait comme ça. On se passe le flambeau. Et c'était précédé d'une belle ballade acoustique de Kiss. Et oui, Kiss, quand on ne sait pas, ça peut surprendre. Il s'agissait de Hard Luck Woman, une pièce de 1976, qui avait été composée dans l'intention de la donner possiblement à Rod Stewart, mais après le succès de leur ballade, Beth, les gars de Kiss se sont rendus compte que ça pouvait marcher finalement. Ils l'ont gardé pour eux, ils l'ont fait chanter par Peter Criss, batteur de la formation, tout comme la ballade Beth, gardait les ballades pour le drummer. Donc voilà pour la petite histoire de Hard Luck Woman, qui était précédée par une chanson qui me fait beaucoup rire et qui reste dans la tête. En plus, Quand l'hiver est là, de Steve Fizet, qui aime beaucoup trop faire du skidoo, une chanson écrite par nul autre que Luc Plamondon et composée par André Gagnon en 1970. Steve Fizet, qui d'ailleurs aurait été déçu parce que là, la neige s'en va, là, c'est plus le temps du skidoo. Et Steve Fizet, qu'on connaît plus pour les chemins d'été, communément appelé dans ma Camaro, et qui est malheureusement décédé il n'y a pas très longtemps, en fin d'année dernière. Et sinon, on s'est retrouvé en 63 avec Peter, Paul and Mary et leur classique Puff the Magic Dragon, une chanson associée à un film pour enfants du même nom, et qui s'est fait faussement accuser de faire référence à la drogue. Mais non, les membres du groupe ont toujours nié que c'était le cas. Gros scandale en temps. Et nous, on poursuit notre voyage musical à l'instant. Voyage musical éclectique à souhait avec le George Baker Selection au 99.1 CFNJ. ciel une colombe vole droit vers le soleil, puisque ce matin le monde a mis fin à ses querelles. Blanc petit oiseau blanc, vole au vent pour dire à l'humanité que l'heure est arrivée. Dans le ciel une colombe a fait le tour de la terre, puisque désormais le monde ne connaîtra plus la guerre. Blanc petit oiseau blanc, vole au vent pour dire à l'humanité que la paix est arrivée. Des chansons dans l'air, car aujourd'hui tous les hommes ont décidé d'être frères. Blanc petit oiseau blanc, vole au vent pour dire à l'humanité que la paix est arrivée. Blanc petit oiseau blanc, et 88.9 CFNJ. I must

toujours à Mélomanes au 99.1 et 88.9 CFNJ-FM, en compagnie de Mathieu Lajoie jusqu'à minuit. Et un beau souvenir instrumental auquel on vient d'avoir droit, Acker Bilk avec Stranger on the Shore. Prenez des notes parce que des fois, ces airs-là, on les connaît, mais on ne connaît pas le titre, puis ça peut être quand même assez long à trouver. Un classique du répertoire de la clarinette de 1961. Et imaginez une des pièces qui apparaissait sur le fameux mix cassette que les astronautes s'étaient amenés sur la Lune en 1969. Donc, on ne fait pas jouer du n'importe quoi, mélomane, de la musique interstellaire, mesdames et messieurs. Et c'était précédé des sifflements légendaires, cette fois-ci de Roger Whittaker, mi-homme, mi-oiseau, en 1974 avec le Finnish Whistler. Et ça reste toujours quand même assez impressionnant de voir qu'on peut humainement siffler à ce niveau-là. Mais ça se peut, et on l'a entendu ici. On a aussi entendu Elvin Bishop avec Fooled Around and Fell in Love, un gros classique des années 70 qui fait toujours plaisir à entendre, album de 75 et single de 76. C'était précédé d'une petite rareté québécoise des Miladies, accompagnée de Raymond Bertillon en 1970 avec Blanc Petit Oiseau Blanc. Une très belle chanson, assez méconnue, merci. Les Miladies, qui sont un groupe féminin du temps des Classelles et des Sultans, et qu'on connaît mieux pour leur succès, Monsieur Dupont ou Sugartown, par exemple. Donc, belle petite découverte en passant. Et le tout qui a été amorcé par Three Dog Night avec l'excellente Joy to the World, sortie en album en 70, en single en 71, précédé du George Baker Selection, une formation des Pays-Bas, avec Little Green Bag de 1970, qui va bien sûr redevenir un succès grâce à son inclusion dans le film Reservoir Dogs de Tarantino en 92. Et on retourne en musique avec un groupe d'origine amérindienne, cette fois Redbone au 99.1 CFNJ. before the second show. It's just the radio. Don't you remember you told me you loved me, baby? You said you'd be coming back this way again, baby. Baby, baby, baby, baby, oh baby. I love you, I really do. Don't you remember you told me you loved me, baby? I'm a runner. But you knew that when you laid down. I'm a picture of ugly stories. I'm a killer and I'm a clown. Shots are clean, my shots are final, my shots are deadly, and when it's done, you're as stiff as my smoking barrel, you're as dead as a desert night, you're a notch and I'm a legend, you're at peace and I'm a high. Et 88.9 CFNJ. C'est Mélomane avec Mathieu Lajoie. Honey, who needs money? Monopoly. pictures of the smiles we left behind, smiles we gave to one another for the way we were. Notre long voyage musical à Mélomane au 99.1 CFNJ, et une fois de plus, on a tiré dans toutes les directions. Nul autre que Madame Barbara Streisand, qu'on vient d'entendre avec The Way We Were, un de ses classiques incontestés, thème du film du même nom de 1973, dans lequel elle jouait elle-même aux côtés de Robert Redford, le roi des roues. Et on a entendu une panoplie de classiques des années 70 avec « 10 Years After » en 71 et « I'd Love to Change the World », un de leurs plus gros hits. Et toujours en 71, une belle, plus rare d'Alice Cooper, « Desperado », à ne pas confondre avec la pièce du même nom des Eagles, le tout tiré de son album classique « Killer » la même année. Et bien sûr, juste avant, on ne pouvait pas passer à côté Emerson, Lake & Palmer avec « The Barbarian », première pièce de leur tout premier album de 1970. Je dis qu'on ne pouvait pas passer à côté parce que Keith Emerson, qu'on pourrait dire l'équivalent un peu de Jimi Hendrix au clavier, nous a malheureusement quittés cette semaine. Donc, encore une fois, 2016, année meurtrière jusqu'à maintenant pour les rockstars. Je ne sais bien pas qu'est-ce qui arrive, mais bon. Et c'était précédé d'un classique des Carpenters, Superstar, en 71, une chanson qui a été reprise par le groupe Sonic Youth dans les années 90. On a aussi entendu une autre pièce qui va avoir une deuxième vie dans les années 90, Rise, du trompettiste Herb Alpert, qu'on associe plus au Tijuana Brass. Donc, une pièce qui va devenir la base du succès Hypnotize du rappeur Notorious B.I.G. en 97, et le tout précédé de Louise Forestier en 73 avec Je pense que c'est le temps et The Come and Get Your Love de Redbone un an plus tard. Et nous, on a encore plein de belles musiques qui nous attend. On écoute Andy Kim au 99.1 CFNJ. With me here tonight, music playing, our bodies swaying in time, time, time, time. surrender. Beautiful is the dream that makes you mine. Rock me gently, rock me slowly. Take it easy, don't you know that I have never been in love like this. Baby, you got the moves that drive me crazy. And on your face, I see a trace of love. Come hold me close, don't let me go. I need you, honey, I love you so. You were made for me by the stars above. Rock me. CFNJ 99.1 et 88.9. Avec vous, partout dans la Naudière. Au 99.1 et 88.9 CFNJ. C'est Mélomanes avec Mathieu Lajoie. Ouh, je sais, c'était assez bizarre tout ça, là. Mea maxima culpa. Pas mal la plus obscure de la soirée, mais en fait, c'était supposé nous servir de prémisse à une pièce obscure. Malheureusement, j'avais deux versions de la pièce. Et il faut vraiment, d'après moi, c'est un signe du ciel parce que c'est trop obscur. Ça n'a pas voulu marcher. Malheureusement, j'ai tout fait pour que ça marche. On était supposé entendre les planètes tirées d'un projet extrêmement obscur. Visitons les planètes avec Goldorak de 1980, mais fait par des noms très importants de la musique au Québec, soit Michel Robidoux, qui a été musicien pour Lost It Show auprès de Robert Charlebois, Yvon Deschamps, Louise Foresti, bien sûr, Mouffe, etc., et à qui on doit, entre autres, d'avoir composé la musique du grand album Jaune de Jean-Pierre Ferland, et qui était accompagné de Pierre-Yves Brault, qui est omniprésent dans la musique de film au Québec et qui est pour toute une autre génération le compositeur extraordinaire de toutes les musiques de Passe-Partout, y compris et même surtout les instrumentaux ô combien nostalgiques. Mais bon, je parle de ça, on l'a même pas entendu. Vous irez voir ça, si vous avez une chance, c'est dur à trouver. Visitons les planètes avec Goldorak. Pierre-Yves Brault, Michel Robidoux. Et parlant de musique de film, ben là, ce qu'on vient d'entendre qui nous servait de prémisse, là, de le thème de la folie, parce que vous aurez entendu l'autre, vous aurez compris pourquoi. Compositeur Jack Nitzsche, qu'on vient d'entendre avec le thème de Vol au-dessus d'un nid de coucou, film de Milos Forman qui avait remporté à peu près tous les Oscars en 1975. Sinon, Carly Simon aussi avec Nobody Does It Better, thème du James Bond, The Spy Who Loved Me, cet espion qui m'aimait de 1977. Quand même un des thèmes de James Bond qui a le plus transcendé les films. Et sinon, on était vraiment dans les profondeurs des années 70 avec Badfinger, un des groupes signés chez Apple, le fameux label des Beatles, avec Day After Day de 1971. Précédé en 72 par le groupe Derek Carmen qui va nous donner All By Myself, The Raspberries avec leur classique Go All The Way qui, elle, était précédée d'un Québécois né à Montréal, Andy Kim, et son succès Rock Me Gently de 74. Et c'est malheureusement déjà tout pour nous ce soir. J'espère que vous avez eu autant de plaisir que moi, encore une fois. On se retrouve la semaine prochaine pour un super spécial Brésil, donc complètement différent. Manquez pas ça, ça va vous donner le goût de l'été, assurément. Et n'oubliez pas Facebook, groupe Méloman, pour plus de détails. Donc, en vous souhaitant une excellente semaine, on se retrouve mercredi prochain dès 21h. Méloman Brésil, je vous le dis, ça va être quelque chose. Et moi, je vous laisse avec un dernier petit hommage à Keith Emerson, qu'on a perdu cette semaine. Une reprise d'une pièce classique. C'est très commun pour Keith Emerson, Fanfare of the Common Man au 99.1 CFNG.